الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله وبياكم. Pour ceux qui étaient présents hier, on m'avait entendu faire une petite remarque par rapport aux gens qui utilisent les applications telles que TikTok pour la da'wa et autres. Je tiens à faire dire une chose. Je n'ai pas connaissance de ulama qui ait rendu ces choses-là haram en soi. D'accord ? Kullu shay ala hasab isti'mali. Tout dépend de comment tu l'utilises, pourquoi tu l'utilises. Une fois, c'était Shayahe qui avait interrogé à propos de Twitter, qu'on appelle X actuellement. Il a dit, celui qui en a besoin réellement pour quelque chose de concret, de halal, comme un tijara, alors il s'en sert. Celui qui n'en a pas besoin, qui délaisse ce genre de choses. Ces réseaux, si tu n'en as pas un réel besoin, délaisse-les. D'accord ? Délaisse-les. Car au final, tu vas y trouver plus de mal que de bien. Maintenant, là où je voulais en venir quand je parlais de TikTok ou les YouTube ou ces choses-là, ce sont les gens qui font des lives. Qui donnent des durous en live, des rencontres en live sur ce genre d'application. Parce qu'en faisant cela, qu'est-ce que tu vas se passer? Tu as des gens qui peut-être n'ont pas TikTok ou n'ont pas ces applications-là et pour assister à tes durous, ils vont installer l'application par rapport à tout. C'est-à-dire que toi, en tant que prédicateur, au lieu de sortir les gens de ce genre de fléau, à tout, tu les y attires. Et après ton ders, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a un frère qui fait un ders, Mofid, très bien. Ou encore, excusez-moi, non, c'est pas très bien parce qu'il se filme. C'est filmé, donc déjà, c'est haram. Mais bon, on dit que le contenu des paroles, le ders, le sujet du ders, c'est intéressant. Une fois que le ders est défini, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle l'algorithme qui défile. Et là, tu vois plein de choses qui viennent. Et tout ce que tu vas voir, ça peut te faire oublier le ders que tu as écouté. Donc voilà pourquoi on disait hier, en réalité, que les gens qui utilisent ce genre de procédé, qui basent leur da'wa dessus, en réalité, yufsidun akthar mimma yuslihun. Ils font plus de mal qu'ils font de bien. Même si t'as des gens qui font des compliments, mashallah, grâce à un tel, j'ai ouvert les yeux, j'ai connu la guidée, ainsi de suite. Tayyip. Mais combien de gens sont perdus à cause de ça? Tu crois qu'ils vont le dire? Ouais, à cause d'un tel, je me suis perdu, ils vont pas te le dire. Donc c'est pour ça qu'en réalité, si ta darwa, elle a des fruits, t'es dans sa'ir, elles ont des fruits. Les gens vont quitter ces applications-là. Normalement, quand ils vont t'écouter parler de taqwa, parler de se préserver, si jamais t'as un discours concret avec des adillah et que t'appelles al-islah, al-mujtama à ce que la communauté se réforme, normalement, si ça joue sur eux, de eux-mêmes, ils vont dire, mais c'est quoi cette application, en fait? Ça y est, maintenant, j'ai découvert ça. Il y a un autre support plus sûr, avec le même contenu, je vais y aller. Mais s'il reste sur TikTok, ce qu'il est addict, c'est que ta darwa ne lui a pas profité, en réalité. Il disait que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, allait dans les lieux de commerce, dans les marchés, et il disait aux gens, dites, la ilaha illallah, vous allez réussir. D'accord? Vous allez réussir. Mais est-ce qu'il se concentrait dans les marchés pour faire cela? Non, c'est quand il passait au marché, à l'occasion, il disait ce qu'il avait à dire. Mais n'allez pas dans les marchés où on n'en faisait pas une spécialité pour y appeler les gens. Et ensuite, quand les gens entrent en islam et apprenaient la religion, ils savaient que ces lieux-là de marché étaient permis, mais étaient parmi les lieux les moins aimés auprès d'Allah Azzawajal. Donc ils n'y allaient que pour le besoin. Alors qu'aujourd'hui, quand les gens vont sur TikTok ou ce genre de choses, c'est pas pour le besoin, c'est pour le plaisir, c'est pour la distraction, c'est pour l'addiction sur la cause. Comprenez donc déjà, celui qui a un réel commerce, d'accord, et qui se sert de ce genre de réseau pour se faire connaître de la publicité, et qui se limite à cela, on ne peut pas vraiment le blâmer. On dira, tu t'exposes. Par contre, ce qu'on va conseiller aux gens, c'est de ne pas être radin et d'acheter des versions payantes qui te protègent des publicités, par exemple. Ça, tu peux le faire. C'est un investissement pour toi, pour ton djinn. D'accord? Tu mets un truc qui fasse que tu choisis. Et tu n'as pas de suggestion ou tu n'as pas de publicité, ce qui s'ensuit. Par exemple, sur YouTube, tu as l'option qui t'empêche d'avoir des suggestions. Tu mets ta vidéo et tu n'as rien qui vient devant toi. D'accord? Tu n'as rien qui vient devant toi. Sur X, tu as la version. À la base, si normalement tu mets que la partie où on ne te parle que de tes abonnements, tu ne verras suggérer que les gens que tu suis. Et des fois, il y a des pubs qui viennent, certes. Des petites pubs comme ça qui viennent. Tu peux faire en sorte de ne pas les voir si jamais tu payes la version payante. Instagram, je connais pas, j'ai pas. TikTok, je connais pas, j'ai pas. Les autres, j'ai pas. Et Telegram, il n'y a rien. D'accord? WhatsApp, il n'y a rien. Si Telegram, maintenant, apparemment, ils mettent des pubs. Ils commencent à mettre des pubs, malheureusement. Moi, je ne les vois pas parce que j'ai la version premium. Et je ne les vois pas. Mais les gens, par exemple, me disent que des fois, sur ma chaîne ou celle d'autres personnes, il y a des pubs qui viennent parfois. Ça, c'est un problème parce qu'il n'y avait pas ça auparavant. Mais ne jamais oublier une chose. Kama yaqul al-ulama anna salamata la yu'adiluha shay'un. Qu'il n'y a rien qui vaut ta sécurité. Et qui plus est ta sécurité religieuse. Donc si jamais tu n'as pas besoin de ce genre de choses, éloigne-toi-en. Vous connaissez des ulama, vous, de la sunna, mutamakkinoun, qui font des lives TikTok? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il y a des vidéos d'eux qui ont été mises par des gens. D'accord? Et c'est ça qu'on dirait aux gens à la base qui utilisent TikTok et vraiment, on dit, vous voulez faire un khayr? Eh bien, évitez ce que les gens de khayr s'y exposent. Allez prendre de leur douloureux et faites mettez des extraits par-ci, par-là. Faites ce travail-là, vous. À la rigueur. Mais vous connaissez une personne de vertu? Moi, je ne connais pas. Qui a un compte TikTok et qui fait des lives parmi les ulama de la sunna, mutamakkinin? J'en connais pas. S'il y en a, je sais pas, j'en ai jamais vu. Et c'est pas pour rien qu'ils font ça, les ulama qui le font pas. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Cette application, même les koufars la critiquent. TikTok, même les koufars la critiquent, disent qu'elle rend complètement abrutie notre jeunesse. Et vous savez, c'est quoi le plus marrant? C'est que TikTok, ceux qui l'ont inventé sont les Chinois, et la version qu'on a chez nous n'est pas celle qui est chez eux. Pour vous dire, la version qu'il y a chez nous, la version débile, qu'il y a chez nous, c'est-à-dire en Europe, ou sûrement en Occident, aux États-Unis, ou quoi, celle qui est en Chine, elle est structurée, elle est filtrée. Mais nous, on se jette dedans, les pièges ont la tête la première. Et des gens se sont fait connaître, et se font connaître, et utilisent ce genre de choses, soit disant parce que ça touche plus de monde. Ça touche plus de monde, mais il ne faut jamais oublier que toi, déjà, avant d'appeler les gens, fais un islah finafsik. Protège-toi, toi, en premier. Allah, t'as pas besoin d'être un héros, tu te sacrifies, tu te mets dans les péchés pour sauver les gens. Ça, il n'y a pas ça en religion. Il n'y a pas ça en religion. On le répète souvent comme verset. Ya ayyuhallazina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nar. Oh, vous qui avez cru, préservez-vous, vous, en premier, vous. Ainsi que vos familles d'un feu ardent. Il n'y a pas d'héorisme dans la darwa que tu te mets pour les péchés, pour sauver les gens des péchés, c'est pas vrai. D'accord? On t'a pas dit va en boîte de nuit pour dire aux gens de sortir de la boîte de nuit. On t'a pas dit va en tel centre commercial, là il y a toutes les femmes habillées je sais pas comment, pour leur dire ouais sortez de là, tu restes là toute la journée pour appeler les gens. Il n'y a pas ça, c'est pas vrai ça. Et sachez une chose, que ce genre d'applications sont pires en réalité que ces centres commerciaux. Elles sont pires. Parce qu'en centre commercial, des fois, tu peux y avoir un besoin. Et ainsi de suite. Bien que tant que tu peux éviter, évite-les. Mais l'application, fil-ra-lib, c'est la distraction. Et le ilm, il faut arrêter de tromper les gens et dire que le ilm, c'est dans les réseaux. C'est pas vrai, le ilm, il est dans les kutub, dans les livres. Et il y a toujours des audios qui existent pour celui qui veut vraiment chercher à apprendre. À la base, on est censé voyager pour aller auprès des ulama pour apprendre. De base. Donc celui qui dit qu'il apprend le rime par TikTok ou qu'il ne veut pas faire l'effort de prendre des kutub ou quoi ou des audios purs ou quoi, c'est qu'il n'a pas de motivation à prendre vraiment le rime. C'est juste, ce moyen la ronge et c'est facile, mais le rime ne va pas entrer en son cœur comme ça. Ou très très peu. Faut pas mentir aux gens et faire des illusions aux gens. Le rime, si vraiment tu le veux, le concret, d'accord, eh ben faut aller le chercher. Et là, tu vas le trouver avec des moyens légiférer et des moyens moubarak, autre que ce genre d'application. Tu veux l'avoir, tu l'as. Les koutoubs, ils sont là. Il y a toujours des librairies. Même quand tu n'as pas l'arabe, tu as des koutoubs qui sont mutarjam, qui sont traduits. C'est là, ça existe toujours. Tu as plein d'audios de prédicateurs, ils sont là, ça existe toujours. Faut pas mentir aux gens que, genre, s'il n'y a pas là-bas, ils vont en trouver. Ils vont trouver. Mais il faut appeler les gens, il faut les ramener les gens vers ça. Et non pas ramener les gens vers ce genre d'application catastrophique, qui font plus de mal que de bien. Donc là, on va prendre notre dars, Inch'Allah, qui est, après qu'on ait pris hier, Fadl al-Sahaba, de façon générale, là maintenant, l'auteur va faire, va développer par rapport aux Sahaba, et en nommer certains qui sont les plus grands, les plus connus, les plus importants. Et il commence par Fadl al-Khulafa al-Rashidin, qui est le mérite des califes bien guidés. Donc le premier, ma'rouf, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Et pourquoi on l'appelle le Siddiq ? Le Siddiq, parce que c'est celui qui croyait tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait. Toujours il croyait. C'est celui qui confirme, qui croit directement. Et il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ataytukum, fa'akhbartukum, fa'kultum, kazabta, wa'kale Abu Bakr, sadaqta. » Le Nabi disait, « Je vais aller vous voir pour vous parler, vous informer des choses. Vous me disiez, tu as menti. » Alors qu'Abu Bakr disait, « Tu as dit vrai. » Et ainsi de suite. Et des gens venaient voir Abu Bakr Siddiq pour lui dire, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle chose. Ils étaient surpris. Ils ont dit, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ils ont dit oui, il a dit ça. Il dit, s'il a dit ça, je le crois. Sans même l'avoir entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il sait que ça vient de lui, il dit, je le crois. Voilà pourquoi on l'appelle Siddiq. Et celui qui croit directement, mais qui croit la vérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit que la vérité. Donc voilà pourquoi son surnom est Siddiq. Et sa fille, Aïcha, est Siddiqa. Pareil, et qui était l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le 149e hadith du Kitab, qui est le 9e de ce fasl, il y a un Nabi Sa'id al-Khudari, radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر متفق عليه. Donc Abu Sa'id al-Khudri dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne dont j'étais le plus gratifié par sa compagnie et par ses biens, c'est Abu Bakr. Et si jamais je devais prendre un Khalil, on va expliquer c'est quoi un Khalil, le sens du Khalil, on l'a déjà souvent répété, on va encore le dire, Inch'Allah. De ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Mais cependant, ce qui est accordé, c'est la fraternité islamique et l'amour, l'affection. Et que aucune porte du masjid ne reste vacante à part celle de Abu Bakr al-Siddiq. Celle par laquelle il rentre, elle doit rester libre. Toujours disponible. Toujours. Elle ne doit pas être obstruée, elle ne doit pas être toujours disponible, c'est la sienne. Celle par laquelle lui, il rentre. Donc, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, vous savez, beaucoup de gens le connaissent. À la base, tous les musulmans le connaissent. Enfin, tous les musulmans qui s'intéressent un minimum à leur religion, parce qu'on a trouvé malheureusement des gens qui ont atteint un niveau de jahel, ils ne connaissent pas Abu Bakr al-Siddiq. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Des musulmans par tradition, qui se disent musulmans par la langue, mais malheureusement, ils ont une grande défaillance au niveau de la croyance, au niveau de l'investissement dans la religion. Par contre, allez voir la plupart des gens, vous leur demanderez quel est son prénom. Et très peu vont vous répondre. Abu Bakr, c'est sa kunya. D'accord ? Et sa kunya. La kunya, c'est le père d'eux. C'est pas son prénom. Et allez voir. Même vous, je pense, si jamais je vais vous interroger quel est son prénom d'Abu Bakr al-Siddiq, je pense que la moitié d'entre vous ne pourrez pas répondre. Parce qu'il est connu par sa kunya. Pourtant, il a un prénom. Et le prénom le plus connu qui soit, le plus aimé auprès d'Allah Azawajal, qui est Abdullah. Abu Bakr s'appelle Abdullah. Ibn Othman, Ibn Amir, Al-Qurashi, Al-Tamimi. Il est le premier des califes dans cette communauté. Et il est celui qui a succédé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il était en sa compagnie avant que ne vienne la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été avec lui même après. Il était le premier des hommes libres à avoir cru, à s'être soumis à l'islam. Et d'ailleurs, Saint Ida, on aime bien répéter, parce que souvent les gens parlent convertis, non convertis, ainsi de suite. D'accord ? Ils aiment bien la différence entre les convertis et les autres. Sachez une chose, que la majorité écrasante des sahabas sont des convertis. Des arabes, certes, mais des convertis. D'accord ? Ceux qui sont nés musulmans, ce sont ceux qui sont nés après la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui étaient vivants, ou la plupart d'entre eux, étaient adultes lorsqu'il est venu, ou étaient... Donc la plupart des sahabas étaient des convertis. Donc quand les gens disent un téléconverti, réfléchissez à ce que vous dites. Ce mot converti, il ne sert plus à grand chose, en réalité. Et souvent, tu vois, même si c'est assez ironique, tu verras des petits jeunes, d'accord, il a peut-être 15 ans, 14 ans, ou alors, voire un peu plus âgé, n'était pas dans le din, il a fait Toba, parce qu'il est né à la base d'une famille muslima, 17 ans, 18 ans, je ne sais pas, il était dans les garments auparavant, il se met à se mettre dans la droiture, il se met à faire la salat, alhamdoulilah, et quand il parle de quelqu'un, ouais, un tel le converti, ça se trouve, le converti, il a 40, 50 ans, et il a plus d'islam que lui. Tu vois, on dit, quand tu dis le converti, tu veux dire quoi par là? Il était musulman avant toi. Et peut-être même quand il est entré en islam, depuis le début, il était musulman. Alors que toi, tu es censé être né musulman, mais t'as pas pratiqué ce né après un long temps. Donc tu serais peut-être plus amené toi, à être traité de converti. Wallahu ta'ala alam. Donc, ce mot-là, converti, en réalité, il n'a pas vraiment de sens. Si on veut dire par-delà de quelqu'un qui a grandi dans le kouf, qui est devenu musulman, mais ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Mais t'en as quand on l'utilise, c'est pour dire, ça veut dire il a 20 ans d'islam, 30 ans d'islam, on appelle toujours le converti. On dit au bout d'un moment, c'est bon, le mot il sert à rien, il est usé. C'est un musulman autant que toi. Peut-être plus investi que toi. Peut-être plus savant que toi. Vous comprenez? On dit pas, faut pas dire converti ou quoi, mais on veut dire, lorsque les gens disent converti, savoir de qui ils parlent et pourquoi ils utilisent ce mot-là. Cette catégorie, des fois, elle sert à rien. Et il ne comprend cela que celui qui est converti. Je pense que les frères qui sont convertis, ils savent. Au bout d'un moment, on dit converti, ça fatigue. Ça fatigue. Concrètement, ça fatigue. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça fatigue. Ensuite, donc pour revenir à Abou Bakr al-Siddiq, donc bien sûr, il a toujours été fidèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours avec lui. Quand il a fait la jira, c'est lui qui était avec lui. Et dans le Coran, Allah Zawajal l'a cité. Izhuma fil ghar, en parlant lorsque les deux étaient dans la caverne. Wa qala sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Lorsque le prophète a dit à son compagnon, ne te triste pas que Allah est avec nous. Il parlait de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Par contre, le seul sahaba qui a été nommé dans le Coran, c'est Zayd. Zayd qui était le fils adoptif du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul qui a été nommé. Sans quoi l'autre qui a été également cité, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Donc bien sûr, il a participé à toutes les batailles du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il en a même fait d'autres après, car il est devenu calife après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et son califat, il a duré 2 ans. Deux ans et 3 mois. Takriban. Et en fait, il y a plusieurs hadiths qui ont indiqué que c'était lui qui allait succéder au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, parmi les hadiths sur lesquels se base le ulama, c'est qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire pour l'interroger, il lui a dit de revenir. Plus tard. La raison, elle n'est pas citée. Et elle a dit, si jamais je ne te trouve pas, dans le sens, si jamais je reviens, mais que tu n'es plus de ce monde, par exemple, que tu es mort, alors vers qui vais-je me tourner? Il a dit, va voir Abu Bakr. Et là, c'est une ishara au khalifa. D'accord? C'est une ishara pour dire que c'est celui qui aura le commandement par la suite, après la mort du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plein d'autres ahadiths. Et bien sûr, il est mort, Abu Bakr al-Siddiq, il avait également 63 ans. Il était enterré dans la chambre de sa fille, Aïcha, aux côtés du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si jamais vous allez à Al-Medina, faire une umrah, pour aller saluer la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celle d'Abu Bakr et de Omar sont à ses côtés. Elles sont à ses côtés. Et maintenant pour... attendez. Donc voilà, pour revenir au thème qu'on avait dit, voilà où kuntu muttakhiza khalila min ummati. Si jamais je devais prendre un Khalil de ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr Siddiq. Un Khalil là-bas, c'est pris de Al-Khulla. Et Al-Khulla, c'est le niveau le plus haut d'amour. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette Khulla, il ne l'a que pour Allah azawajal. C'est-à-dire, la Khulla, quand elle est dans ton cœur, elle ne laisse de la place pour personne. C'est pour ça qu'elle a dit que. Mais en réalité, ce qu'il a pour Abu Bakr Siddiq, c'est la fraternité islamique et l'affection. Sans quoi, cette Khulla, il ne peut l'accorder à personne. Et deux seuls prophètes ont été nommés comme Khalil par Allah azawajal, qui sont Ibrahim alayhi salatu wassalam et Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Par contre, il n'y a pas contradiction lorsqu'on dit que Abu Huraira, il a dit qad awsani khalili bi thalath, que mon Khalil m'a exhorté à trois choses. Et là, en fait, ça veut dire que Abu Huraira a qualifié le prophète comme étant son Khalil à lui. Mais le prophète n'a pas dit que Abu Huraira était son Khalil à lui. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. Toi, tu peux dire à quelqu'un qu'il est ton Khalil, un quoi ou quoi, si vraiment tu sais ce que ça veut dire. Mais personne n'est le Khalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour Allah azawajal, cela n'a été donné qu'à deux prophètes et messagers qui sont Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, le mot Khalil n'a pas vraiment de traduction. C'est le niveau le plus haut de l'amour. Ce serait la personne que tu aimes le plus. Le plus aimé, on dirait comme ça. Et même plus aimé, en français, c'est un peu... Le niveau est faible. D'accord. Souvent, tu as les gens qui traduisent Khalil par ami confident. Il n'y a pas d'ami confident. Parce que lorsqu'on dit ça, lorsque Ibrahim, c'était le Khalil d'Allah Azawajal, est-ce qu'Ibrahim, c'est l'ami, le confident d'Allah Azawajal? Sûrement pas. Pareil pour le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Sûrement pas. Donc, cette traduction de Khalil, à ce moment-là, elle n'est pas bonne. Mais c'est la personne la plus aimée. Maintenant, est-ce qu'il y a un mot en français exact qu'il y a? Ils disent aussi également ami intime. Je ne le connais pas. Donc on reste sur le mot Khalil, tel qu'il est. Donc le Khalil du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'y en a pas. Mais il a fait comprendre, si jamais il devait en avoir un, ça aurait été Abu Bakr. Ce qui montre le grand mérite et la grande valeur de Abu Bakr Siddiq. Radiallahu anhu. Et après, il a dit que aucune porte du masjid ne reste accessible. Ça veut dire que toujours libérée, toujours vacante. Il faut que les portes du masjid soient tout le temps, les gens y rentrent, ils sortent, les gens y rentrent, ils sortent. Il y a une seule porte qu'il faut laisser vacante et tout le temps disponible et ne jamais l'encombrer, l'obstruer. C'est celle d'Abu Bakr al-Siddiq. Une porte qui lui est propre. Et d'ailleurs, vous savez, pour entrer au Jannah, il y a différentes portes. La porte pour le Sa'imin, ceux qui faisaient le Siyam, la porte pour les Moussalliyin, ceux qui font la Salat, la porte pour ceux qui Moutassadirin, qui faisaient les aumônes, et ainsi de suite. Et il sera dit à Abu Bakr al-Siddiq qu'il pourra rentrer par n'importe quelle porte. Tellement il était actif dans tous les domaines de la religion. Dans n'importe quelle porte, il pourra rentrer au Melkiyam. Car il jeûnait énormément. Il faisait énormément aumônes. Il faisait énormément la Salat. Et ainsi de suite. Et pourtant, il a rapporté très peu de hadith. Et pourquoi il a rapporté très peu de hadith? Non pas qu'il ne les connaissait pas, mais qu'après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était occupé par l'autorité. Il n'était pas en mesure de pouvoir enseigner aux gens. Donc voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de hadith qui ont été rapportés de lui. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas mémorisé plein. Il était l'homme qui a plus accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, par la suite, il était très occupé. Comme Omar ibn Khattab, qui est le deuxième homme le plus occupé tenir compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de hadith de lui. Parce que par la suite, lui-même a été occupé par différentes tâches, plus que enseigner aux gens en soi. Mais d'autres s'y sont grandement consacrés, comme Abu Huraira. Voilà pourquoi il est celui qui a apporté le plus de hadith. Ibn Abbas, parmi ceux qui ont apporté le plus de hadith. Aïcha, radiallahu anha, parmi celles qui a rapporté le plus de hadith, on appelle ça des Mukthirun. Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Omar, et bien d'autres. Tayyib ibn Khouz, Fawaid al-Hadith. Vous savez, Abu Bakr al-Siddiq, on pourra en parler pendant des heures. Mais c'est un vers qui est résumé. C'est un vers qui est résumé. Yaqul Fawaid al-Hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا لأن الخلة بينه وبين ربه. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pris aucun homme comme Khalil, car la khulla c'est entre lui et son Seigneur seulement. Thaniyan anna Abu Bakr huwa ahabu an-nas ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa afdaluhum ila 'indahu. Et que Abu Bakr Siddiq était l'homme le plus aimé auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le meilleur auprès de lui. Et sachez qu'il était le meilleur des hommes après les prophètes, car il était le meilleur des compagnons et les compagnons sont le meilleur des hommes. Thalithan ikhtisas Abi Bakr من فضائل الصحبة ومناقبها والقيام بها وبحقوقها بما لم يشاركه فيه أحد حتى استوجب أن يكون خليله دون الخلق ولو كانت المخلات ممكنة. Donc cela c'est parmi les particularités de Abu Bakr Siddiq, parmi ses mérites, d'accord, des choses que personne ne peut l'égaler dedans. Ça veut dire qu'il aurait pu être, mais n'a pas été le Khalil du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais cela avait été possible, c'est lui qui aurait eu droit à ce statut. Rabi'an jawaz al-thana ala al-insan fi wajjihi idha lam yukhaf alayhi fitnatun bi irjab wa nahwihi. Et qu'il est permis de faire les éloges de quelqu'un devant lui si on ne craint pas que cela ne puisse le perturber et le faire se perdre. Parce qu'à la base, il n'est pas permis de faire les éloges des gens devant eux pour ne pas provoquer en eux de l'orgueil et irjab al-nafs, c'est l'autosatisfaction, ce qui s'ensuit. C'est des hadiths qui interdisent de le faire. Mais parfois, il y a des gens, on peut le faire avec eux. Comme ce fut le cas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr Siddiq. Khamisan, anna ala al-insan shukr man ahsana sohbatahu wa et c'est là qu'il faut, il dit qu'il enseigne qu'il faut remercier les personnes qui ont été bienfaisantes et qui ont aidé par leur personne et par leur bien également, comme ce fut le cas avec Abu Bakr al-Siddiq. Et qu'il dit que les masajida tusan an tuluk al-nas ilayha min ghayri abwabiha illa min hajat muhimma. Et il dit que les masajid doivent être protégés du fait que les gens puissent y avoir accès sauf lorsqu'il y a un grand besoin, comme ce fut le cas pour Abu Bakr al-Siddiq, que sa porte d'entrée à lui devait rester accessible. طيب هذا الذي اخذنا اليوم من هذا الحديث فقط نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.